L'ANES est toxique? Après avoir consulté la vaste documentation existante, y compris les encyclopédies, j'ai constaté qu'il est proclamé en toutes lettres que l'ANES est toxique. Je me suis moi-même laissé influencer par de telles informations erronées, surtout quand je transmettais la recette, ayant peur que, si quelqu'un eût exagéré, en utilisant beaucoup plus d'ALS qu'il n'en fallait, il eût couru le risque de s'empoisonner. Depuis que je suis né, j'entends dire par les gens, l'ALS est toxique. Me trouvant par hasard concerné par ce propos, j'ai décidé d'éclaircir la chose, mettant fin une fois pour toutes à ces histoires. Pour tranquilliser le lecteur sur l'utilisation de cette plante, de la famille des Liliacées, je me suis basé à nouveau sur les connaissances exhaustives de deux ouvrages américains, déjà cités, afin de prouver que l'affirmation, l'ALS est toxique est à attribuer à des personnes mal intentionnées, ou à des personnes mal informées. Par l'intermédiaire des conclusions de la guérison silencieuse et ALS, mythe, magie et médecine, nous verrons que, si une personne voulait s'empoisonner, elle ne devrait pas seulement employer l'ALS selon les doses indiquées, mais en prendre une tonne, de cette façon l'eau aussi devient toxique. Anticipant la conclusion, on peut affirmer, sans aucune crainte, que le degré de toxicité de l'ALS est tellement insignifiant que, lorsqu'il fut soumis à des tests de laboratoire, aux États-Unis, les niveaux mesurables de la toxicité de la plante s'avérèrent pratiquement imperceptibles. Il ne faut pas s'étonner alors si au Mexique la savilla, comme l'appellent les peuples de langue espagnole, est utilisée comme salade, alors elle serait toxique, autant que l'est notre laitue, et au Venezuela qu'elle fasse partie du petit déjeuner, avalée par cuillerée, avec quelques gouttes de miel si elle est trop amère. Maintenant tu sais déjà que le degré de toxicité de l'ALS est minimum. Si tu veux approfondir l'argument, lis ce qui est écrit à la suite, fruit de l'étude des ouvrages cités, si tu n'as pas le temps, saute le chapitre, comme si tu en connaissais déjà le contenu. L'important est que tu puisses te sentir tout à fait tranquille, quand tu iras récolter les feuilles de la plante. Elle est innocente. Crois-moi, comme un pied de laitue. Dans le chapitre, une question chimique du livre La guérison silencieuse, l'ALS est analysée. À la page 75, au sujet du composé anthraquinone de la plante, il est écrit textuellement, les anthraquinones sont considérés, traditionnellement, comme des agents laxatifs, bien que soient nombreuses les écoles de pensée, leur attribuant des vertus occultes. Dans un certain sens, elles possèdent des ingrédients mystérieux. Connues comme de formidables exterminatrices de maladies, nous apprenons aussi que D'Amico, Benigni et d'autres dans les années 50, avaient découvert dans les anthraquinones de valables agents bactéricides, au même niveau que les antibiotiques, mais moins toxiques et avec plus d'efficacité contre les virus, fait découvert antérieurement par Laurent Zetti, et confirmé plus tard par Siemens Zimmermann. Nous avions déjà appris que de nombreuses anthraquinones montrent des niveaux mesurables de toxicité propres. Toutefois, dans la sublime chimie de l'aloe vera ou barbadensi, nous voyons que celles-ci ne sont pas toxiques. À la page 77 du chapitre acide chrysophanique, Chrysarobin, on lit que le méthylanthraquinone dérivé de l'aloe émodin, est connu pour son efficacité dans le traitement des maladies chroniques de la peau, comme le psoriasis et la trichophytose, un champignon de la peau. Isolés, ils exhibent certains niveaux élevés de toxicité. Dans le contexte de l'aloe vera, aucune toxicité est mesurable. À la page 89, en synthétisant presque ce qui a été dit précédemment, à propos du mot toxicologie, il est affirmé, nous savons déjà que certaines anthraquinones présentes dans le gel de l'aloe vera, comme les modins et l'acide chrysophanique, ont des niveaux mesurables de toxicité, quand ils sont observés dans un contexte isolé. Dans certains cas, nous avons aussi la preuve que le gel de l'aloe vera, ou l'aloe vera américaine lotion et crème, qui désormais dans les nouvelles formules prennent le nom d'aloe activator, aloe lotion et aloe jelly, respectivement mesurés, ne possèdent aucun niveau de toxicité. Ceci est le plus important à première vue, une fois que sont mesurés tous les niveaux toxiques appartenant au règne animal. Dans les essais toxicologiques appelés LD50S, certains animaux, chiens, lapins, souris et singes, ont été exposés aux rayons appelés rayons de la mort, c'est-à-dire, qu'ils ont été sélectionnés pour recevoir des niveaux d'exposition suffisants pour les tuer. Dans les cas d'application topique, ils ont été exposés à des dosages très élevés de rayons, à des niveaux en mesure de provoquer des irritations létales. La liste des cas qui démontrent la non-toxicité de l'aloe vera est très, très longue. Pour prouver mon point de vue, je diviserai les études en trois parties. Une a été conduite dans le laboratoire de l'ACLAN, commandité par l'Aloe Vera d'America Incorporated. Les deux autres ont été conduites par des groupes de recherche indépendants, et sans aucune possibilité d'interaction. Les trois cas ont porté à des résultats de confirmation. En ce qui concerne le premier exemple, une étude avait déjà été faite en 1986, par Sam Mouston à l'hôpital général de Brock, Texas, et par la faculté d'odontologie Baylor, à Dallas. Dans cette étude, le Dr E. Zimmerman, DDS, chef de pathologie de la faculté Baylor, le Dr James Brassey, et le Dr C.K. Collin, ont observé les effets sur l'extrait des fibroblastes des reins de lapin, sensibilisés par des agents irritants. À ce point, il est important de rappeler que les tissus du lapin sont, sous de nombreux aspects, semblables à ceux de l'être humain. Ils ont comme ultérieur avantage, celui de répondre à la toxicité 13 fois plus que les tissus humains. Dans les tests de Brassey et Zimmerman, l'aloe vera a été testée au désavantage de l'indométhacine, une drogue non stéroïde, et du delta-cortisone, un puissant corticostéroïde. L'indométhacine, comme l'aloe vera, semble avoir un grand pouvoir analgésique et antiprurigineux. Le delta-cortisone a été catalogué comme anti-inflammatoire tout comme l'indométhacine et l'aloe vera. Et c'est au nom de cette propriété anti-inflammatoire commune qu'il a été pensé de les mettre en comparaison. Les tests ont été conduits à deux niveaux. En premier lieu, les trois ont été testés dans une culture de tissu cellulaire ILA, pour évaluer leur capacité de stimuler la division cellulaire et provoquer la guérison. Dans une période de 72 heures, l'aloe vera a dépassé l'indométhacine et le delta-cortisone en ce qui concerne les capacités d'accélérer la croissance des nouveaux tissus. Le groupe Brassey, Zimmerman a mis les cellules, ILA dans une culture avec l'aloe vera, sous un microscope électronique capable d'agrandir 500 000 fois l'image. Il a ainsi été possible d'observer l'absence de carcinome, le tissu qui s'est reproduit, stimulé par l'aloe vera, était complètement normal. Le gel d'aloès, plus important pour nos fins, a présenté un niveau insignifiant de toxicité dans son tissu cellulaire, alors que les niveaux présentés par le delta-cortisone et l'indométhacine étaient très hauts. Le gel fourni était celui de l'aloe vera d'America Incorporated. De tels tests ont confirmé les conclusions auxquelles était arrivé le laboratoire Lackland en 1966. Dans les expériences conduites sur un grand nombre de lapins, Henri Coble et le docteur Martin Grossman, pathologues, n'ont pas trouvé de toxicité présente dans aucun des organes vitaux, même pas dans le tissu musculaire ou sur la peau des cobayes. Il y a eu quelques pertes de poids chez les lapins qui avaient avalé des doses d'aloe, mais cela est attribué à un manque normal d'éléments nutritifs de la diète. Et même avec des doses extrêmement hautes, plus de 20 grammes par kilogramme, la toxicité était insignifiante. En 1968, ces expériences ont été répétées sur une vaste échelle par le laboratoire Hazelton de Falchurch, Virginia. Sous la direction de William Monsieur Buzet, pathologie, les expériences avec un D5-0 ont été conduites sur les animaux cobayes, avec des administrations orales massives sur des souris et 8 chiens, et une administration dermique massive sur un groupe de souris blanches. Tous ces animaux ont été exposés à des doses extrêmement élevées pendant une période de 14 jours. Les résultats, encore une fois, ont été excellents. Les évaluations faites par le Dr Buzet furent les suivantes, les souris ont été gardées sous observation en relation avec l'incidence de la mortalité, et les effets toxiques après 14 jours. L'énorme dose orale de LD50 administrée, était supérieure à 21,5 g/kg, dose extrêmement haute. Des doses orales uniques de gel stabilisé d'aloe vera furent administrées, par l'intermédiaire d'un petit tube stomacal, à 4 groupes de chiens bâtards, un mâle et une femelle dans chaque groupe. Il n'y a eu aucun décès 14 jours après la dose, par conséquent la dose orale tolérée par les chiens pourrait dépasser 31,6 g/kg par rapport au poids corporel. Le gel stabilisé de l'aloe vera a été aussi analysé dans le cas d'irradiation dermique, et pour sa toxicité dans un espace de temps de 24 heures d'application sur l'abdomen, sur la peau grattée, de souris blanche. Il n'y a eu aucun décès. La dose massive de LD50 est donc plus grande de 10 g/kg par rapport au poids corporel. Les irritations dermiques furent minimes. Il existe aussi des recherches convaincantes sur les capacités curatives, sous forme de registres bactériologiques, et des histoires de cas médicaux récents. Comme dernière référence extraite de la guérison silencieuse sur la toxicité de l'aloès, nous transcrivons la page 92 sous le titre résumé, à partir de nos registres toxicologiques, nous affirmons que l'aloe vera ne produit pas d'effets collatéraux sur l'organisme humain. En outre, des centaines de registres médicaux, réalisés sur des milliers de cas confirment, encore une fois, ce manque de toxicité dans les applications in situ. En relisant le deuxième ouvrage cité, Aloès, Mythe, Magie, Médecine, 2 du Monsieur Hennessey, Biller Co., nous affrontons de nouveaux témoignages sur l'argument. À la page 11, nous trouvons un résumé sur les caractéristiques de la plante, il vaut la peine d'attirer l'attention sur le contenu de l'écorce de l'aloès, des études scientifiques ont prouvé, que l'utilisation plus efficace de l'aloe vera, provient d'un mélange équilibré de ces trois éléments, le gel assume son rôle quand il est mélangé de façon appropriée avec le jus, mais sa valeur est faible quand il est seul. La lymphe contient la plupart des agents médicaux, et elle est beaucoup plus qu'un laxatif, ou qu'un traitement pour les petits problèmes de la peau. Certains sont convaincus que l'écorce plus externe, est privée de vertus curatives, bien qu'elle contienne de nombreux éléments nutritifs, présents dans la lymphe et dans le gel. Des études postérieures ont démontré, que l'écorce n'est ni nuisible ni dangereuse, comme font déclarer de nombreuses personnes. La logique suggère comme une des meilleures choses d'employer la feuille entière. Nous pouvons trouver une véhémente défense des qualités thérapeutiques de la plante dans une longue citation à la page 56. Elle dit ceci, « Malgré l'emploi de la lymphe, comme agent guérisseur dans d'anciennes recettes, presque tous les divulgateurs déclaraient que la lymphe causait non seulement des réactions allergiques, mais aussi qu'elle était dangereuse et que, par conséquent, elle ne pouvait être utilisée dans les produits à base d'aloe vera. Pour vendre leurs produits, ils avaient inventé, comme légende, que seul le gel était agent de choix, et pour soutenir cette idée, ils faisaient courir le bruit que les études modernes démontraient que la lymphe était toxique pour le tissu humain et qu'elle provoquait des réactions allergiques. En total contraste avec cette déclaration, toutes les études publiées sur la toxicité démontrent au contraire que l'effet toxique de l'aloe est inexistant ou presque et qu'il ne provoque pas d'allergie. Il est probable que les divulgateurs, du fait de leur connaissance superficielle de la chimie de l'aloe, aient les idées un peu confuses. Pour citer seulement un exemple de ce possible manque de réelle connaissance, on doit rappeler que la lymphe est scientifiquement connue comme une anthraquinone glucosique. Selon l'index de la Merck, une anthraquinone est une substance synthétique utilisée pour la production de teintures, qui ont une toxicité généralisée et peuvent provoquer des irritations de la peau ou des éruptions cutanées. Par conséquent, une information incomplète sans terme de comparaison, qui se base sur cette définition des anthraquinones synthétiques, peut porter à la conclusion erronée que la lymphe, par coïncidence encore utilisée comme teinture, est toxique, provoque des éruptions cutanées ou des réactions allergiques. Il est possible qu'une autre source de cette idée de la toxicité, ou du caractère vénéneux de la plante, soit l'encyclopédie russe qui déclare qu'une certaine espèce d'aloès, qui pousse en Russie, est apparemment vénéneuse. Toutefois, de telles espèces n'ont aucun rapport avec l'aloe vera. Nous pourrions continuer à citer de nombreux cas de convictions erronées au sujet de l'aloe vera, des personnes mal informées les ont répétées sans cesse. Souvent des convictions scientifiques peuvent avoir un rapport avec l'origine de telles idées. En fait, des descriptions ultérieures ont simplement rapport à l'erreur originelle, sans chercher à prouver la validité des propos répétés. C'est ainsi que la confusion a augmenté. À la page 59, il est dit que la plante dans son ensemble a des pouvoirs curatifs et non un élément isolé. De nombreux chercheurs ont proposé un possible rapport de synergie entre toutes les substances contenues dans la plante d'aloe vera. Synergie signifie la capacité qu'ont tous les composants physiques et chimiques de fonctionner ensemble, afin d'apporter un bénéfice plus grand de celui apporté par chacun des éléments individuellement. Si cette théorie est correcte, cela peut expliquer le fait que l'aloe ne soit pas toxique et ne présente point d'effet allergique, bien qu'elle contienne des agents qui, isolés ou tout seuls, peuvent causer des effets toxiques et allergiques. À la page 61, il est expliqué que l'aloe agit sans provoquer de dommages, parce que ses composants sont sagement distribués. Après avoir constaté les résultats de cette recherche, réalisée au Centre des Grands Brûlés, Université de Chicago, 1982, on peut postuler que l'aloe vera fonctionne sans provoquer d'effets toxiques ou allergiques car ces éléments nutritifs et l'eau qu'elle contient agissent comme tampons. Les éléments nutritifs sont nécessaires à la croissance du tissu et à sa fonctionnalité. La plante contrôle, ou élimine, des infections par l'intermédiaire de ses agents antiseptiques naturels soufre, phénol, lupéol, acide salicylique, acide cinnamique et urée nitrogénée. Elle contrôle les inflammations avec ses acides gras anti-inflammatoires, qui sont le cholestérol, le campestérol, le bécistostérol et limite ou atténue la douleur grâce à son contenu en lupéol, acide salicylique et magnésium. C'est suite à l'action combinée de ces éléments, et d'autres composants des feuilles, que se vérifie le rapport de synergie. De cette façon, nous avons une explication raisonnable des nombreuses relations concernant le fait que l'aloe élimine de nombreuses infections internes et externes, et réduit la douleur avec grande efficacité. La chimie explique la capacité de l'aloe de fonctionner comme un traitement efficace contre les brûlures, les coupures et les abrasions, ainsi que pour le traitement de maladies inflammatoires, comme la fièvre rhumatismale, les arthrites de tous les types, les maladies de la peau, de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, du côlon et autres organes internes comme les reins, la rate, le pancréas et le foie. Il est important de rappeler que les agents anti-inflammatoires et antibactériens se trouvent dans la lymphe et dans l'écorce de la plante, non dans le gel. En même temps, il ne faut pas oublier que les éléments nutritifs fondamentaux et autres agents sont largement diffus dans toute la plante, lymphe, gel et écorce, et environ 98% de l'eau est dans le gel. De telles connaissances aideraient à mettre fin aux rumeurs pseudo-scientifiques, et en particulier à la conviction que le gel de la plante soit le seul responsable de la capacité curative de l'aloe vera. Le gel est important comme agent tampon. Par conséquent, la théorie d'un rapport de synergie est celle soutenue soit par la science, soit par l'histoire. Dans ma recherche de la vérité, je dispose d'une explication chimique de la capacité de l'aloe vera de guérir, contrôler ou éliminer un grand nombre de maladies provoquées par des microbes, de calmer ou éliminer la douleur, et de limiter les inflammations. Nous savons, parce que cela a été affirmé maintes fois, que la plante possède toutes ses capacités et bien d'autres. Cependant, nous ne parlerons pas encore de la capacité de l'aloe vera d'éliminer l'eau des tissus, de faciliter la digestion, d'équilibrer l'acidité du corps, d'éliminer ou réduire visiblement les cicatrices, de régénérer les follicules pileux, de renouveler les peaux endommagées, de redonner des couleurs au visage, et d'offrir de nombreux autres bénéfices, qui seront explorés à peine, nous passerons de la théorie à la pratique. À la page 65 chat. 9, le thème spécifique à la toxicologie. S'il n'avait pas été aussi long, il aurait peut-être été utile de le transcrire ipsilitri. J'ai donc essayé d'en faire un résumé. Dès le début il dit, dans l'ouvrage au superfaturamento do aloe vera, FD a présenté un problème irrésolu là où l'auteur de l'article déclare que, si le jus d'aloe vera est avalé, il peut être toxique. En même temps, l'auteur déclare que, dans une étude faite en 1974, il est démontré que le jus d'aloe vera n'était pas toxique pour les souris. En effet, après avoir étudié attentivement la lecture en relation avec la possible toxicité de l'aloe vera, il démontre que l'aloe vera non seulement n'est pas toxique, mais qu'elle provoque vraiment la régénération des tissus. Étrangement, en 1959, le même FDA a conclu que l'aloe vera n'était pas toxique. Ou au moins c'est l'impression laissée par Gunnar Gjerstad, était dérinée dans l'article « Situation actuelle de l'aloès comme panacée ». Gjerstad ont revu des données de E.P. Pendergrass, concernant l'efficacité de l'aloe vera dans le traitement des brûlures par rayon X et autres formes de radiation, et ils ont admis que la pommade d'aloe vera utilisée par Pendergrass régénérait les tissus de la peau. La partie suivante du chapitre se proposera de répondre à la question, l'aloe vera est-elle toxique? Elle provoque des nécroses ou bien elle régénère les tissus? Bien qu'il soit absolument évident que l'aloe vera guérit et régénère les tissus, le doute persiste chez les personnes qui ont besoin d'autres preuves de résultats positifs. En d'autres termes, les incrédules veulent que soient faites d'autres études, qui démontrent que l'aloe n'est pas nocif pour les tissus et les régénère. Une telle étude a été publiée par les laboratoires Hazleton, une filiale de TRW, de Falschurch, VA, en janvier 1969. Le taux de toxicité a été observé dans son travail et application dermique faite sur des lapins pendant 13 jours avec gel d'aloe vera stabilisé, relation finale. Les chercheurs d'Hazleton ont conclu que les applications répétées d'aloe vera ne provoquaient pas de changement histopathologique dans les tissus examinés et même pas dans le foie, les reins ou sur la peau des lapins blancs. Voyons l'article de R.R. Zimmerman, 1969. Les effets du delta-cortisone et de l'indométhacine et du gel de l'aloe vera dans la culture des cellules des tissus, au Federal Dental Service. Zimmerman, après avoir utilisé l'aloe vera en différentes concentrations, a déterminé que celle-ci est moins toxique que le delta-cortisone ou que l'indométhacine. Quand elle a été testée dans le type grès de cellules, il aille dans les fibroblastes du rein du lapin. Il est important d'observer que cette étude a conclu que l'aloe vera a fait vivre les cellules étudiées 2/3 de temps en plus que celui qui était normalement prévu. Ainsi, non seulement l'aloe vera ne tue pas les cellules, mais elle les stimule à vivre dans une condition saine pendant une longue période. Pour conclure cet argument de la toxicité de l'aloès, nous rapportons ce qu'un dentiste met en pratique dans l'exercice de sa profession. Contrôlez l'argument à la page 84, le Dr Wolf conseille d'utiliser le gel autour des couronnes, permanentes et le long des bords de la gencive autour de ces couronnes, en effectuant un léger massage avec les doigts. En ce qui concerne les études d'odontologie, le Dr Wolf déclare, dans le cas d'une gingivite avec nécrose ulcérative aiguë, l'objectif est celui de supprimer les symptômes, afin de pouvoir effectuer un nettoyage complet. Normalement, la première visite consiste dans l'élimination du tartre. Après l'hygiène orale, il est conseillé aux patients d'appliquer l'aloe vera, le plus souvent possible sur les parties intéressées avec un stimulateur interdental ou une seringue d'irrigation. Pour l'emploi endodontique, le Dr Wolf a déclaré que l'aloe vera était efficace comme lubrificateur de canaux. Avant d'injecter dans les canaux, il explique, j'injecte une petite quantité d'aloe vera dans la lime pour le nettoyage des canaux. Je ne me préoccupe pas si un peu de gel dépasse le fait, car les recherches ont révélé que l'aloe vera n'est pas toxique, et qu'elle régénère le tissu cellulaire. L'idéal serait de rapporter le contenu des deux livres car, ensemble, ils constituent une encyclopédie sur l'aloès. Pour conclure ce chapitre j'ai choisi quelques-uns des passages parmi les plus pratiques. 1. Il existe la conviction que la plante de l'aloe vera n'a aucune vertu curative jusqu'à ce que ses feuilles ne deviennent grandes, plus d'une livre, 454 grammes, et qu'elle n'a pas atteint entre 2 et 4 ans d'âge. Mais cette idée s'effondre devant le fait que même les plantes avec des feuilles petites, 3 ou 4 onces, plus ou moins 70 grammes, cultivées sur le rebord de la fenêtre, donnent des résultats extraordinaires. D'autre part, une pousse qui croît de la racine de la plante mère, commence à produire la lymphe après quelques semaines seulement, voilà pourquoi les animaux domestiques, en particulier les chats, mangent les pousses à peine sorties. Ce n'est pas l'âge de la plante qui la rend meilleure, Toutefois, les feuilles grandes sont importantes pour le succès du producteur commercial. Comme on peut en déduire, même la feuille jeune est utile, car elle contient déjà les propriétés de la plante. 2. Par exemple, le papyrus CB dit que l'aloès était utilisé comme produit de beauté aussi bien par les hommes que par les femmes, en usage interne et externe, pour faire ressortir la beauté et la bonne santé, intérieure et extérieure. Dans l'Antiquité, les produits de beauté étaient l'expression de l'idée que la santé et beauté allaient ensemble. La santé et la beauté représentaient un don qui pouvait être recherché par des hommes et des femmes tenaces. Seulement quand j'ai lu quelque chose sur l'aloe vert et que je l'ai essayé, en 1973, j'ai réellement pu trouver un soulagement à mes problèmes de peau, en utilisant un produit jelly basé sur l'aloe, qui était une combinaison de la lymphe et du gel. Malheureusement à cette époque je ne savais pas, que l'aloe pouvait être utilisé par voie interne, je croyais à la conviction générale erronée selon laquelle la lymphe était vénéneuse. J'ai commencé à prendre l'aloe vera de haute qualité à 100% il y a seulement 6 ans, quand j'ai commencé à étudier sérieusement les résultats historiques et scientifiques concernant la plante. Je savais que l'aloe était un produit naturel, parce que je l'avais préparé moi-même. À ma grande surprise, mes allergies ont complètement disparu immédiatement, après avoir commencé à la prendre régulièrement. Je me suis aperçu que si je ne la prenais pas régulièrement, les allergies revenaient, alors j'ai commencé à faire des essais. Entre janvier et juin 1984, je prenais l'aloe pendant des périodes régulières de 2 semaines. J'ai découvert que quand je prenais le produit tous les jours, mes allergies disparaissaient, et quand j'arrêtais de le prendre, elles revenaient. Même si je n'avais pas complété ma recherche pour découvrir pourquoi l'aloe fonctionnait, personnellement j'ai expérimenté ses bienfaits, et comme je ne voulais pas que les allergies reviennent, j'ai commencé à prendre l'aloe tous les jours, et je continue à le faire. Aujourd'hui je sais n'avoir aucune allergie, mais je sais aussi par expérience, que si j'arrête de prendre l'aloe, les symptômes réapparaîtront. Et en plus, ma dermatite topique chronique, a disparu elle aussi complètement. Mais l'aloe a fait beaucoup plus que guérir mes allergies. En la prenant tous les jours, j'ai éliminé complètement mes problèmes d'indigestion chronique, qui me provoquaient constipation et infection rénale. Maintenant, je me suis libéré complètement des hémorroïdes, et je crois que cela est dû aux applications systématiques de pommade d'aloe, et aussi au fait que j'ai une digestion et une évacuation plus régulières. Mon taux de cholestérol a diminué de moitié, bien que je pense que cela soit dû au changement de régime. J'ai pu vérifier que le fait de prendre l'aloe calme la douleur, et atténue la progression de mon arthrite aux genoux et aux chevilles, arthrite consécutive à des accidents avec contusion, lorsque je faisais du sport et pour lesquels j'ai dû subir 4 interventions chirurgicales importantes, quand j'étais jeune. Il est vrai aussi que je n'ai plus de douleurs aux jambes, et que celles-ci ne sont plus revenues, depuis que j'ai commencé à prendre l'aloe tous les jours. L'aloe a augmenté mon énergie, et je dois ajouter que pendant les 5 dernières années, je n'ai attrapé ni rhume, ni grippe, ni aucun autre type d'infection, alors que mes amis souffrent continuellement de ces problèmes. Je pourrais continuer, mais je pense que tu en sais déjà assez. Un témoignage plus complet peut être encore nécessaire? L'aloe a donné de bons résultats avec toutes les maladies citées ci-dessus. Un autre tabou s'est effondré, on peut prendre l'aloe sans interruption, confirmant ainsi l'hypothèse que le taux de toxicité est vraiment insignifiant. 3. S'il te plaît, fais particulièrement attention au fait que dans la description précédente, nous avons dit que le révérend Thompson était sous contrôle médical pendant le cycle de traitement à domicile, après avoir subi plus de 22 opérations chirurgicales de la peau pour des brûlures aux jambes provoquées par l'explosion d'un récipient contenant de l'essence, avec la pommade à l'aloe et qu'un deuxième médecin l'avait examiné pour confirmer que les blessures étaient guéries. Le fait de ne pas s'en remettre à la médecine moderne pour se soigner peut sembler un acte d'ignorance de notre part. Mais mettre en évidence le fait que le corps du patient appartient à lui seul et non au médecin est sûrement une chose positive. 4. La simple vérité est qu'autrefois les patients avaient tendance à dépendre considérablement de leur médecin. Naturellement, le spécialiste est la première autorité qui devrait être consultée en cas de maladie ou de lésion. Et si après de nombreuses années de cure, la souffrance continue ou si les améliorations sont faibles ou nulles? Il semble évident que dans de telles situations, l'individu ait le droit de chercher un soulagement en ayant recours à des méthodes alternatives. Il y a beaucoup de sagesse dans les lignes à peine citées. Une toute autre chose est de faire, comme font de nombreux Brésiliens, c'est-à-dire se soigner seul, ou s'adresser au médecin pour un innocent et simple rhume. 5. Moi aussi j'ai assisté à des guérisons provoquées par l'aloe de façon prodigieuse. Probablement, l'exemple le plus spectaculaire est celui d'un commerçant du lieu, particulièrement respecté, l'île Baye. En février 1988, Lille se soumet à un traitement radical contre un cancer de la peau, aux deux bras, à partir du coude jusqu'au dos de la main. La cure a été faite pendant une période de 2 à 3 semaines, et traitée avec des produits chimiques les brûlures dues au cancer. Inutile de dire qu'il avait de fortes douleurs après ce type de cure. Son médecin lui a donné un analgésique et des pommades topiques, Mais il disait qu'il ne faisait pas effet. Sa femme, qui savait quelque chose à propos de l'aloe vera, lui a suggéré de la prendre, pour calmer les douleurs et faciliter la guérison des brûlures. 48 heures après la dernière chimiothérapie, Lila commençait à utiliser ensemble une pommade à l'aloe concentrée, et un spray de gel concentré d'aloe. Il disait qu'il voulait surtout vaincre la douleur. Celle-ci a diminué presque tout de suite après l'emploi de la pommade et du spray, et après une semaine, la douleur avait disparu. Comme on voit sur les photos, il y a des photos dans le livre et elles sont en couleur, les brûlures sur les bras de Monsieur Bay ont complètement guéri en 11 jours, du 18 au 29 février 1988. Alors que j'écris, la peau des deux bras et des mains de Lila Ball est complètement guérie et présente peu de cicatrices. Des histoires comme celle-ci touchent les personnes qui utilisent l'aloe pour guérir leurs maux. En résumant, nous pouvons conclure en remerciant Dieu pour cette superbe plante, qu'il a placée dans la nature, à disposition des plus pauvres mais aussi des plus puissants, à condition seulement qu'il ne se montre pas complètement fermé devant des arguments de ce genre, par arrogance ou par entêtement. Que Dieu généreusement ouvre leur mentalité. Si quelqu'un craint d'être allergique à l'aloe, car rarissime, il peut faire un test sur lui-même, à domicile. Il suffit de couper 2 cm d'une feuille d'aloe, et de l'appliquer sur la peau située derrière l'oreille ou sous l'aisselle, pendant environ 2 minutes. Si la partie ou l'application qui a été faite provoque des démangeaisons ou des inflammations, la personne est allergique à l'aloe, aussi bien pour l'utilisation de l'aloès naturelle, que pour d'autres produits traités industriellement. Répétons, cependant, que cette possibilité est très rare.